pour les bières importées et des microbrasseries québécoises, les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin, le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou, lebaldulezard.com. CKRL. 89.1. Bienvenue à Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy. Et oui, vous l'avez remarqué, l'émission n'a pas de thème cette semaine. Je suis parti trop vite. J'avais trop hâte de faire l'émission, puis j'ai laissé le thème à la maison. Donc, on se reprendra la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est Web Musique? Ben, c'est une sélection d'une heure de musique en téléchargement gratuit. Donc, absolument tout ce que vous entendez à l'émission, ben, vous pouvez le télécharger d'une façon gratuite et légale. Vous avez juste à vous rendre sur le site de l'émission. C'est au www.webmusique.ca. Donc, vous allez pouvoir télécharger absolument tout ce que vous entendez. Cette semaine, on va débuter avec un peu de Wheelchair Discothèque avec la pièce Friendly Tea Fungus. C'est sur l'excellente étiquette Vatican Records. Vous en entendez souvent à Web Musique. J'adore absolument tout ce que Vatican Records propose. Une étiquette vraiment merveilleuse, vraiment pétée aussi. Je vous invite à la visiter. Côté artistique aussi, juste pour les pochettes d'albums, ça vaut vraiment la peine. Tout de suite après Wheelchair Discothèque, je vous fais entendre Piper Spray avec sa pièce Molt Tower. Une belle découverte, donc j'adore vraiment Piper Spray. On débute tout de suite Web Musique avec Wheelchair Discothèque. coffee, dinner, blood cakes, and a voice rolls eyes for drink doubles and nothing in theater was to put dinner. Pièce bordélique comme je les aime, c'était Piper Spray, un artiste de la ville de Moscou. C'était sa pièce Malt Tower. Je vous invite à aller visiter son profil SoundCloud. Il y a plein de trucs un peu dans le même genre. Avant ça, on avait débuté avec Wheelchair Discothèque, un artiste de l'Estonie. Je vous faisais entendre sa pièce Friendly Tea Fungus. On va poursuivre avec un artiste publié sur l'étiquette Dusted Wax Kingdom, c'est Ribbon Mouth Rabbit avec la pièce Who Is It. Ça va être suivi par Aspect et sa pièce Variation, ça c'est publié sur l'étiquette Cold Fusion Music. On écoute tout de suite Ribbon Mouth Rabbit. une pièce complètement planante. Ça nous venait de la ville de Portland. C'est Aspect avec sa pièce Variation. C'était sur le netlabel Cold Fiction Music. C'était tiré d'une compilation sur l'étiquette. Donc, c'était Future Echo 2013. Vraiment une excellente compilation avec plein de musique un peu dans ce genre-là. Avant ça, ben, c'était de la Hongrie Ribbon Mouth Rabbit avec la pièce Who Is It? C'était sur l'étiquette bulgare Dusted Wax Kingdom. On poursuit avec un artiste allemand cette fois-ci, donc on va écouter un peu de Niembed. Je vous fais entendre sa pièce Eyes Down, c'est sur le netlabel qui donne souvent dans l'expérimental, c'est des trucs qui s'écoutent toujours très bien, le netlabel Mallorca. Je vous invite à visiter le site de cette étiquette-là, plein de bonne musique, donc c'est un incontournable selon moi. On écoute Niembed à Web Music. Yeah.

There is no such thing as reality. We are trapped in our own imagination, and we can live in a better place. Thank you. take psychedelic mushrooms while listening to psychedelic music. It jumped into a new dimension. Now it's lost in its own mind. That much we know. The rest is a easy collection of bizarre and disconnected memories. Because all of the witnesses were hallucinating badly. C'était Enleo à Web Music avec sa pièce Wrong Place. C'était sur l'excellente étiquette japonaise Mimi Records. Mimi Records qui ont toutes sortes de trucs dans l'électronique, dans le rock, dans le punk. Donc, une étiquette vraiment intéressante. Ça fait vraiment longtemps qu'ils sont dans le milieu du... sont dans le net audio. Donc, je vous invite à visiter Mimi Records. Toujours plein de trucs vraiment intéressants. Avant ça, de la ville de Lyon en France, c'était Rocambonux avec sa pièce Buff Wheel, Steam and Colds. C'était sur l'excellente étiquette Vatican Records. On va poursuivre avec un drôle de type, c'est HVAD. Je ne sais pas trop comment vous le décrire. Vous allez entendre la pièce, vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même. Un artiste qui reste, au Danemark, mais qui est d'origine égyptienne, je crois. Il donne un peu dans l'électronique, aussi souvent dans le rap en arabe, donc toujours vraiment varié comme style musical. Je vous fais passer sa pièce Age Lollipop, puis ensuite de ça, ça va être un petit remix. La dame s'appelle Heidi Harris, puis c'est remixé par Johnny Ripper, un artiste de la ville de Montréal. Donc il remixe sa pièce Maple, vous allez voir, vraiment excellent. Ben pour tout de suite, on écoute HVAD à Web Music. I like it. Lollipop. design. Cat design. She's right, Inspector. She's right. Bring in. Aapka license or registration? Kitty, kitty. License bring. Yeah. Thank you. C'était une remix donc de Heidi Harris, remixée par Johnny Ripper, un artiste montréalais. C'était la pièce Maple. Avant ça, du Danemark, c'était HVAD avec la pièce Age Lollipop. Je vous invite à découvrir cet artiste-là. Surtout sa chaîne YouTube, des vidéos vraiment pétées, un peu à la hauteur de ce que vous avez entendu dans sa pièce. Un artiste vraiment pété. On va poursuivre avec le Perche-Oreille avec sa pièce Hypomega. C'est tiré de son album Contes et Histoires Grisillantes. On écoute ça tout de suite à Web Music. Thank you. C'était le perche-oreille à Web Music avec sa pièce Ape Omega. C'était tiré de son album Contes et histoires grésillantes. Je crois que oui, c'était sur l'étiquette Pavilion 36 Recordings, une excellente étiquette française, plein de musique un peu dans ce style-là. C'est quand même vraiment assez varié. Ça va déjà être tout pour ce soir. Je vous invite à rester à l'antenne de CKRL pour l'émission Le Mur du son qui suit tout de suite après. Nous, on va se quitter sur une pièce de Kid Cannibal et Datsuke Tanabe. C'est sur leur album Kitsuke. Je vous fais entendre la pièce G-Step. Une pièce que j'ai écoutée en boucle récemment. Je suis pas capable de m'en défaire, donc je vous mets le verre dans l'oreille tout de suite. On se quitte là-dessus, puis on se donne rendez-vous 20h dimanche prochain pour notre émission de Web Music. Chargez Web Music sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Conducteur de véhicules électriques rechargeables, après Montréal et Québec, le circuit électrique s'installe à Sherbrooke, Gatineau, Saguenay, Blainville, Boucherville, Brossard, Chambly, Châteauguay, Deux-Montagnes, Drummondville, La Malbaie, Laval, Longueuil, Montandam, Montebello, Auclair, Repentigny, Saint-Bruno, Saint-Eustache, Saint-Jérôme, Saint-Nicolas, Saint-Julie, Témiscouata-Sorel, Carbonne, Vaudreuil-Dorion et Saint-Basile-le-Grand. Et ce n'est que le début. Le circuit électrique prend de l'ampleur. Avec plus de 150 bornes de recharge publique dans 39 villes et 12 régions au Québec, vous roulerez toujours l'esprit tranquille. Visitez lecircuitélectrique.com pour trouver une borne dans votre région. Tous les mardis, la Ninkasi du Faubourg est heureuse de vous présenter l'émission du retour de 15h30 à 17h30, Change de disque, animée par Tania Beaumont. 2 heures d'actualité culturelle sous toutes ses coutures. La Ninkasi, en collaboration avec la Bière Boréale et Dola Communication, aide les artistes locaux à lancer livres ou disques en offrant un service de lancement totalement gratuit. Les lancements ont lieu les mardis entre 17h et 22h. Consultez le site ninkasi.ca pour plus de détails. Comment condenser le meilleur de la musique britannique en 90 minutes? Do you know where the waters go? They go along to take your money. Facile. Écoutez Mezzanine avec Michel Drolet tous les jeudis de 18h30 à 20h. L'Angleterre comme si vous y étiez. Tous les dimanches soirs dès 21h, heurtez-vous au mur du son pour une dose hebdomadaire de rock brutiste et expérimental par William Girard et Simon Provencher de 21h à 22h. CKRL HD. Une radio haute décibels.